Salut Charline. Ah, moi j'ai une excellente idée de sujet. Hein. Ah, c'est Nabila. Oui. Non, toujours pas. Non. Ah, c'est un sondage dans La Croix. Oh, pour savoir si Dieu existe. Non, mais non, c'est sur la confiance dans les médias. Oh là là, vaste sujet. Moi j'ai davantage confiance en Dieu. Hein, bah, je vous le dis. Oui, parce que lui au moins il raconte pas de conneries. Bah, non, ce sont les gens qui les disent pour lui. C'est ça. Pour elle. Pourquoi elle? Bah, Dieu c'est peut-être une femme. Ah, bah, dans ce cas-là, j'ai peut-être plus confiance dans la presse. Bon, bah donc c'est un bon sujet, puisqu'on va pas jusqu'à parler de théologie. Alors, autre sujet. Oui, et toi, les médias, t'y crois? Évidemment, Alex, la question se pose pas, voyons. Autre sujet. Il y a le livre sur les Chirac en une du point. Ouais, c'est bien. La relation houleuse et amoureuse entre Bernadette et Jacques, les couteaux dans le dos. Oh, le... comme Nabila, dis donc. Quoi? Mais bien sûr, l'amour, les couteaux dans le dos, c'est Nabila. Ah, mais vous voyez, c'est ça le problème de la confiance dans les médias. Quoi? Ah, bah, à cause des médias, vous reliez Nabila à Chirac parce qu'on parle autant de l'un que de l'autre. Voilà pourquoi. Ah oui, et donc Dieu est une femme. Pardon? Quoi? Ah bah oui, syllogisme. Ah bon? Bah oui, je vous explique. Si la presse, c'est Dieu. Et si la presse se comporte comme une femme en considérant que tous les problèmes ont la même valeur, eh bien Dieu est une femme. C'est ça. Ah voilà. Dites-nous, et vous deux, vous travaillez sur France Inter. Ouais. Ah, ça se sent. Ouais. Et vous faites partie des médias, donc. Ouais. Ah, très bien. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Je n'ai aucune confiance dans les médias. Aucune. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bonjour même à André Manoukian qui vient de faire une entrée en jogging dans ce studio. Enlevez votre veste, André. Vous écoutez l'émission qui emballe l'actualité avec un nœud bien serré et voici les trois infos qui vont y passer jusqu'à 18h. Les Américains ont Dallas ou Dynasty et nous on a les Chirac. En ce moment c'est un petit peu une famille royale, un clan qui passionne les amateurs de bonne feuille. Quant à Jacques, il est devenu dur de la feuille. Ce que je lui dis n'intéresse pas. Il a beaucoup changé, vous savez. La retraite, c'est pas bon. Nicolas Sarkozy est parti à la reconquête du terrain et il attaque cette reconquête par Tourcoing, le Nord. Un choix judicieux parce que, comme disait Chirac... Il a du talent, le petit. La confiance des médias remonte en flèche, c'est le baromètre de La Croix qui le dit. Et pourtant, 13% des personnes interrogées ignorent qu'il y a eu une affaire Trierweiler. Mais comme le disait Jacques... Les journaux, ça va, ça vient. Et puis ça finit par emballer les poireaux. Et pour emballer ces trois informations avec les poireaux, je suis accompagnée de l'homme dont les chemises s'inspirent des motifs de papier cadeau, Alex Vizorek. Bonjour Charlie, vous êtes très chichi aujourd'hui. Chichi? Bah, ah chichi, oui, chichi. Oh, je l'adore. Et aujourd'hui, autour de la table à 17h20, mon idole. Il parvient à être aussi pertinent sur D8 que sur France Inter et aussi léger sur France Inter que sur D8. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex. J'ai pas complètement compris. Mais je vais vous envoyer le résumé de tous mes lancements et un jour vous allez tout va faire sens. Dites-moi de quoi on va parler. Bonjour Charline. On va parler d'amour, on va parler de magie, on va parler de musique, on va parler de Maloya. Elle s'appelle Maya Kamati et si j'ai la voix enrouée, c'est pour mieux chanter son blues. À 17h30, idole, car il parvient à faire dire à des gens ce qu'ils ne pensent pas, et tout ça sans chalumeau, mais avec un micro France Inter. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à ce gamin de 8 ans qui s'est retrouvé au commissariat de Nice hier pour apologie du terrorisme. J'ai contacté entre autres le pédopsychiatre Marcel Ruffo. Chauffe Marcel, chauffe! Moi je pense que les gens qui nous écoutent peuvent dire, mais enfin, comment il ose défendre qu'un enfant de 8 ans soit amené à la police? Donc j'accepte la critique. Eh oui, il trouve ça normal, un gamin dans un commissariat. Il est chaud, Marcel. On attendra tout ça, il y a 17h40, mon idole. Encore. Car elle vous réveille tous les matins dans ses flash infos, sa voix mi-autoritaire, mi-berçante, un mélange entre Super Nanny et Mamie Nova. Hélène Roussel. Mamie Nova, je me retiens, Alex. Bon, bah, elle moi, était toujours, en train de se déshabiller et Mamie Nova, j'ai pas remis le pull. Hein, ouais. Voilà. Toujours sur le mode de qui est-ce qui a bien pu passer entre les mailles de l'info cette semaine, on verra qu'une église en rouge et violet, c'est pas très catholique, que Michel Alliomarie n'a rien à envier à Christine Lagarde, et puis qu'à la fin, bah, c'est le Qatar qui gagne. Et si tu écoutes, j'annule tout, est aussi sur Twitter et sur Facebook. Mais si vous préférez la méthode traditionnelle, nous avons aussi une ligne fixe avec au bout un répondeur au 01 56 40 69 51. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Un moyen toujours de mettre un peu de pression sur l'invité qui a tout annulé pour venir avec nous. Vous êtes né sous Giscard. Vous quittez votre poste de commercial pour vous consacrer à la scène en 2001. C'est l'année où la Grèce intègre la zone euro. Vous faites votre premier one-man show en 2002 quand Jennifer remporte la Star Academy. Votre deuxième one-man s'appelle Chose Promise en 2007 et c'est l'année de la création du MoDem, le parti. Hein. Et donc, vous êtes, je vous laisse vous le dire. Arnaud de sa mère. Ah, c'est vous, Arnaud de sa mère est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. et vous êtes au Théâtre du Splendide jusqu'à fin avril pour confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Alors, Alex Vizorek est venu vous voir, on va en parler, mais vous partez du postulat que la société rigole trop, notamment à la radio, donc vous êtes vachement bien tombé, dites donc Arnaud de sa mère. Oui. Oui, c'est ça. Oui, je pars d'une étude américaine très sérieuse qui affirme qu'un être humain rit en moyenne 8 heures par jour. Donc c'est même Alain Juppé, vous voulez dire même Alain Juppé ? Alors, 8 heures par jour. Oui, André Manoukian. Alors, évidemment, ça, ouais. C'est une connerie, Dédé. Hein. C'est le principe de l'humoriste. C'est un spectacle d'humour. Voilà. Je suis super bon public, moi je suis naïf. Mais tout ce que, je crois tout, je crois même aux esprits. Vous alors, c'est ça le problème, c'est que si on vient voir mon spectacle au premier degré, on sort au bout d'environ 45 secondes. Donc, oui, si ça. On se place au deuxième degré, voire au troisième, donc la société rigole trop, 8 heures par jour de rire en moyenne sur Terre. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est une moyenne mondiale. Hein. Donc, ce qui fait... Après, en Syrie, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que les gens ne doivent pas y rire plus de 3-4 heures par jour, ce qui fait que chez nous, la moyenne peut grimper jusqu'à des 12-13 heures de rire par jour. Et donc, j'essaye d'enrayer cette spirale infernale. Eh bien, c'est raté, mon pauvre ami, parce qu'on rigole beaucoup pendant votre spectacle. Ouais. Alors, je voulais juste dire une chose, c'est que j'ai été le voir à la première et c'était le 7 janvier, jour terrible, et je me suis dit, je ne peux pas aujourd'hui ne pas aller voir un humoriste après ce qui s'était passé. Et vous avez joué, et François Rollin, qui a coécrit votre spectacle, était venu dire, mettez de côté pendant une heure et demie. Et riez avec Arnaud de sa mère. Et ça s'est très très bien passé. Enfin, moi j'ai trouvé. Comment vous l'avez vécu de faire ça ? Non, mais c'était très dur parce qu'à 19h, moi je joue à 21h30. À 19h, on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait jouer. François, qui connaissait certaines T-News notamment, était là comme ça, tremblant, les larmes aux yeux et ne savait. Et on s'est dit que de toute façon, ces gars-là nous auraient pris par la peau des fesses pour nous faire monter sur scène ce soir-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis. Voire par la peau des couilles, hein. Oui. Connaissant, ouais. Oui, certainement, oui. Donc, Charline, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça, appelons un chat quand même. C'est l'esprit, Charlie. On a le droit de dire couille à France Inter depuis le 7 janvier. Donc c'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que la petite prise de parole de François Rollin juste avant m'a bien aidé, puisque le public a accepté ce contrat-là et de mettre entre parenthèses pendant une heure et demie leur deuil. Et... Surtout, vous faites un humour qui est aux antipodes, on va le dire, de Charlie Hebdo, parce que vous êtes dans l'absurde. Bah. Et vous êtes très très peu, je trouve, de votre génération à faire de l'absurde. Vous êtes hérité direct de François Rollin. Le sketch quand même où il dit que Mahomet mange du cochon, c'est quand même un petit peu limite. On va redonner l'adresse du théâtre. C'est au Théâtre du Splendide jusqu'au 25 avril. Comptez sur moi pour le buzz. Tu peux aider, moi. Non, c'est vrai. En plus, je suis pas... Je pouvais me sentir un petit peu loin de tout ça, mais en fait non, pas du tout. C'est vrai que je fais de l'humour absurde, je fais parler des pingouins, on est loin de... Le sketch du pingouin est fantastique, merci. Faut pas en dire beaucoup plus. Je me demande si vous avez écrit ce sketch pour faire le costume, ou si vous avez pensé au costume, puis écrit le sketch. Non, je me suis dit... En fait, j'ai été surpris par le travail incroyable des costumières et qui m'ont pendu un costume de pingouin merveilleux. Merde, on vient d'annoncer quand même qu'il y a un costume de pingouin. Mais je crois que c'est quand même le gros, climax. Oui, mais c'est un super teasing, parce qu'en annonçant, vous n'avez rien vu, parce que le jeu sur ce sketch-là est formidable. Ouais, mais les gens qui pensent qu'il y a vraiment un pingouin vont être déçus. C'est Arnaud qui joue le pingouin. Allez, Arnaud de sa mère est avec nous. Confident sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. C'est au Splendide jusqu'au 25 avril et des trucs plus ou moins confidentiels, il y en a plein dans cette émission, avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Bien souvent je me suis réveillé avant le lever du soleil, avant de quitter l'hôtel, engoncé dans mon complet croisé. J'ai gardé pour moi mes vicissitudes et mes vices tourments, tourné turpitude, l'horreur d'un souvenir passé. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qu'il me déclare sa flamme dans une orgie au regard. Souvent je me suis pris pour un autre et j'ai fait de double faute, double sec, double dose, double dame avec les femmes d'un autre. Qu'à mon tour, j'ai bu le sang des vautours. J'ai cru les gens qui m'entourent, qui rêvent de bonheur, mais se foutaient perdument d'une autre. J'attendais en vain matin qui nous déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Du marre de l'eau de vie, de l'art de vivre sans personne qui t'aime. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qui me déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Madame Benjamin Biolay sur France Inter à 18h19 dans Si tu écoutes, j'annule tout. Avec vous autour de cette table, Alex Vizorek ? Eh bien, Clara n'est pas là, j'en suis fort triste. Mais Hélène Roussel est là, et André Manoukian est là, et Guillaume Meurice qui me réconforte. Guillaume Meurice qui s'est occupé de ce problème de cet enfant de 8 ans au commissariat. Oui. Demande s'il n'a pas même trouvé la solution comme tous les jours, d'ailleurs. Oui, il y aura de la solution, évidemment. On est là pour ça. Et il y aura de la revue de presse avec Hélène Roussel, et il y aura de la longue chronique musicale avec André Manoukian. Ah bon ? Eh oui. Alors, Arnaud, sa mère, à cette heure-ci, on feuillette la presse, on écume la radio, on fait une petite revue de presse en tandem, hein, et ça pour pédaler, on pédale avec Vizorek. Hein. Charline Van Macker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Je vais la faire à la Vizorek d'ailleurs, cette entame. Et on commence par une toute bonne nouvelle du côté de Le Pen. Ah, c'est bien écrit ce truc, oui c'est moi. Oui, on en a parlé ici, Jean-Marie Le Pen avait été légèrement blessé dans l'incendie de sa maison, mais ça va beaucoup mieux, hein. Il a d'ailleurs rassuré tout le monde sur Twitter. L'incendie total de notre maison a épargné mon béret vert de parachutiste et mes décorations. Oh, ouf, oh là, les décorations de guerre sont saines et sauves. Mais oui, mais ça c'est normal, hein, dans les flammes, chacun sauve en premier ce qui compte pour lui. Bon là, non, aucune nouvelle de sa bonne Philippine, mais voilà, tout va bien pour les décorations. Politique européenne. Oui, le président de la Commission européenne, l'ex-premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, refuse d'annuler la dette grecque. Ah oui, oui. Enfin, ceux qui ont acheté de la dette grecque n'auraient pas planqué leur bon du trésor au Luxembourg par hasard ? Vous êtes vraiment d'un mauvais esprit. Juncker fait un geste, il ajoute qu'il est prêt à négocier. Ah oui, oui, bah, ça doit pouvoir être optimisé fiscalement une dette. Hein. C'est malin, on va être grillé au Luxembourg, on va perdre tous les auditeurs. Hein. Moi qui voulais y déposer mon salaire de France Inter. Oh, vous inquiétez pas, Alex, hein. Les petits porteurs, c'est pas si avantageux que ça. Bon, mais non, mais je disais ça pour André Manoukian. Ah oui, d'accord. Alors passons à un drame qui ne vous a pas échappé. Oui, Gaillac, les coqs du 15 de France retrouvés décapités. Terrible histoire dans le Tarn. 36 cadavres de coqs ont été retrouvés dans la ferme qui fournit les coqs porte-bonheur à l'équipe de France de rugby. Et c'est Mado, 84 ans, l'éleveuse, qui en est vraiment toute chamboulée. J'ai qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, j'arrive dans la cour. Alors là, un sans tête. L'autre blessé qui remuait. Un autre sans tête, j'en ai trouvé 11 là. 8 jours après. J'entends « Ah, ah, ah !» J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» J'ai rien trouvé que des plumes. Voilà, voilà, bah on rit, mais voilà, c'est triste. Et alors, sans transition, comme on dit dans le jargon, hein, une bonne nouvelle pour Francis Huster. Oui, dans Paris Match, il nous a présenté son nouvel amour, Gaïa, 23 ans, soit 44 ans de moins que lui. Gaïa, dans la mythologie grecque, c'est la déesse mère, et bien dans la vie de Francis, c'est la maîtresse-fille. 44 ans, c'est quand même pas mal de différence, non ? Qu'en dit Francis Huster ? Francis Huster, il dit... Elle est jeune, il est vrai, mais elle est bien gaulée. La valeur n'attend point le nombre des années. Ah oui, oui. Et il y a des photos, j'imagine. Oui, très beau reportage photo. On les voit notamment en train de manger un gâteau et la légende est belle. Il dit dans les environs de Paris, chez des amis, Gaillard reconnaît être la plus gourmande des deux. Francis, lui, la mange des yeux. C'est beau. Oh, bah c'est oui, beau, achetez Paris Match. Hein. Alors on termine par un message préventif. Oui, hier nous proposions le premier épisode d'une série créée par le gouvernement pour dissuader les jeunes de faire le djihad. Et ce matin, eh bien, un petit enfant de 8 ans s'est retrouvé au commissariat. Il fallait donc remettre une couche. Deuxième épisode. Nicolas, il est l'heure d'aller dormir. Oh non, Pimprenelle, j'ai pas sommeil. Je veux regarder BFM TV. Mais pourquoi ? Bah parce qu'il y a des gens qui font des braquages avec des fusils. Bon bah moi je vais dans mon lit, hein, pour lire Alibaba. Attends, Alibaba, ça se passe en Orient. Est-ce qu'il est djihadiste ou pas, Alibaba? Bah, je crois pas, non. Pom, pom, pom, pom. Alors, les enfants, on va se coucher? Oh non, il y a encore un flash spécial. Je veux pas rater l'assaut. Mais c'est pas bien, il ne faut pas regarder ça. Mais il veut pas aller lire Alibaba avec moi parce qu'il est pas djihadiste. Allez, les enfants, on va lire Les Trois Petits Cochons. Oh non, pas Les Trois Petits Cochons, c'est islamophobe. Mais Nicolas, non. Et puis le djihad, c'est pas bien. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui est bien, alors? Ce qui est bien, c'est Manuel Valls. Ah oui, chouette, je l'ai déjà vu sur iTélé. Ah oui, moi aussi, il est beau. Oui. Allez, bonne nuit, les petits. Bonne nuit, nounours Wagba. Voilà. Bien. C'est le rire qui est gagnant. Nous allons revenir à l'information. Alors, consterner Arnaud de sa mère, c'est quelque chose qui est très difficile et je pense que nous y sommes arrivés. Oui, vous êtes vous voyez, l'absurde est encore des paliers. Ouais, je comprends ce que ressentent mes spectateurs. Vous êtes sur France Inter, nous allons reprendre le cours normal de l'information puisqu'il s'agit de débats d'actualité et de débats d'actualité. Jusqu'à 18h, on met l'information dans la prise avec Arnaud de sa mère. Nous allons aborder le premier sujet sur France Inter, restez avec nous. Jacques Chirac est de plus en plus populaire, nous explique Le Point. Il aura fallu attendre 82 ans, mais enfin écoutez, c'est fait. Et l'histoire de son clan intéresse puisqu'un livre sur les Chirac fait toutes les unes. Donc après Une Famille Formidable, voici les Chirac. Les voyages, c'est nous. Les profiles, c'est nous. La choura, c'est nous. Les pigeons, c'est vous. Central, c'est Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, ce qui paie, c'est vous. Central, c'est Chirac et Bernadette. C'était les Guignols en 2004. Voilà. Alors il y a un livre qui paraît qui s'appelle Chirac, les secrets du clan, écrit par Béatrice Guret. Les Chirac, c'est aussi en une du Point qui sort cette semaine. Révélation sur un destin français. Oh, alors Chirac n'est plus au pouvoir, mais son clan fascine ou amuse du moins les gens. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial selon vous, les Chirac? Arnaud de sa mère, vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans les, je sais pas, dans les chambres, dans les cuisines des Chirac? Ça fait de longs mois que je me lève le matin en posant cette question, en général en faisant pipi. Et puis dès que j'ai pissé, la question s'en va en fait. Et je peux commencer ma journée. Ah, vous vous en foutez. Vous n'avez pas Jacques. Non, si. Mais il ne vous attendrit pas, je ne sais pas, moi, en fait, dans vraiment, votre petit cœur. En préambule de cette émission, il faut dire vraiment que je suis loin de l'actualité. C'est-à-dire que France Inter, tout ça, vous traitez avec humour, décalage, tout ça, c'est fait d'actualité. La politique, tout ça, et moi je suis... C'est pour ça que je fais de l'humour absurde, c'est que je ne maîtrise pas du tout la... Mais c'est ça qui alors, c'est ça je suis très intimidé d'être prenons du recul, parce qu'on a souvent, on n'en a pas assez. Oui. Et alors là, on va profiter que vous soyez là pour prendre beaucoup, beaucoup de recul. Enfin, partez pas trop loin quand même. Hein. On va prendre quelques centaines de mètres de recul. Et par exemple, Bernadette, elle vous fait marrer des fois ou pas? Parce que vous l'entendez de temps en temps. Ouais, ben, c'est la femme de Jacques. Ouais. Bon, on va reprendre. On part de là. Oui, alors je vais vous faire. Donc, Bernadette, elle est la femme de Jacques. C'est-à-dire que vous êtes dans une émission. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous voulez nous emmener ailleurs, emmenez-nous ailleurs. En même temps, il a posé la vraie question. J'en profite, hein, nous on va ailleurs. Je vais poser la question. Hélène Roussel, elle vous fait sourire? Bernadette, vous Hélène aimez Roussel, Jacques moi, me... Jacques, il vous attendrit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vendre, ça c'est sûr. Ah, voilà. Moi, je me mouille pas. Mais j'ai l'impression. Donc, ça intéresse vraiment quelqu'un? Non, parce que c'est une bonne question finalement. Est-ce qu'on s'en fout pas? Attendez, vous êtes en train de me dire autour de cette table, vous vous en foutez complètement du sujet? Non, non, on traite de l'actualité qui est la une du Point. Vous voulez pas que je vous raconte une anecdote alors? Allez-y. Bon voilà, alors je voulais un extrait des Bonnes Feuilles dans Le Point, mais c'est extrait du livre Chirac, les secrets du clan, Béatrice Guret. Je vous raconte une histoire, les enfants, avant d'aller dormir. Écoutez, c'est très très faut drôle. Un truc où il y a un peu de sexe quand même, hein, qu'on parle pas trop les gens. Oh, mais Chirac, ça doit aller quand même. Avec Bernadette, c'est pas sûr. Oui, non, alors par exemple, combien de fois des convives un peu gênés ont vu Bernadette trottiner derrière son mari en demandant désespérément « Mais enfin Jacques, vous dînez là ce soir ou pas ?» Et lui qui répondait tout le temps « Bernadette, vous m'emmerdez. » Ah oui, c'est bien ça, tout le monde s'en fout. C'est Arnaud qui avait la meilleure synthèse, je trouve. Ok, très bien, on s'en fout. Parce qu'il y a un truc quand même que je voulais dire. C'est on va passer à Dédé, c'est plus intéressant. Chirac, c'est lui qui a Alzheimer, mais c'est nous qui oublions tout ce qu'il a derrière lui, parce que là, c'est l'ami de tout le monde. Alors que quand même, il a baigné dans deux, trois trucs, non? Mais oui, on l'a entendu dans l'extrait des Guignols. Mais c'est justement, je voulais dire un truc intéressant. Mais il est trop vieux pour le mettre en prison, donc laissons-le tranquille, ce vieil homme. Cela dit. Même Guillaume Meurice. Oui, bah oui. Cela dit, Jacques Chirac, alors je vais donner une conclusion quand même plus ou moins. factuel, Jacques Chirac agissait apparemment comme un rempart au Front National. Il lui n'aurait jamais fait de concession pour une voix du FN. C'est notamment l'avis de François Hollande qui dit qu'il n'est jamais tombé du mauvais côté et peut-être que ça joue de son aura aujourd'hui. Oui, la droite gaulliste. Bien sûr, il n'a jamais dit le bruit et l'odeur. Jamais il n'a fait de concession avec le racisme. Sa mère avait quelque chose à dire. Non, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'elle a dit, Charline, exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il était un petit peu en rempart. Puisqu'on vient d'évoquer Zebda qui avait repris le bruit et l'odeur. Et vraiment. Allez, c'est le moment Manoukian. C'est important de respirer, dire, André, et c'est jamais, parti. Jamais le concéder au FN. Je sais pas, c'est Hollande qui le dit, ouais, moi, arrangez-vous avec lui. Vers 16h. Ils sont copains tous les deux. En fait, si vous prenez quelques centaines de mètres par rapport à l'actualité, oui. Mon cher Arnaud, moi je me permets de prendre quelques kilomètres, voire quelques années-lumière, pour replacer la musique dans un contexte cosmique. Soyons clairs, les musiciens ont une tâche sacrée, nous relier au très haut par des instruments qui parfois sont tout petits. Alors, on va commencer cette... Aujourd'hui, elle s'appelle Maya Kamati, elle est créole. Son mot préféré en créole, c'est... Alors, je vous le dis, en créole, vous essayez de deviner. En voix de famille, ça veut dire... En voix de famille. Ouais. En voix de famille. En voix de famille. Un envoi de famille, quelqu'un qui envoie des familles. En voix de famille... En fait, ça veut dire tout simplement « envoi de famille ». Ça veut dire « être enceinte oui, ». C'est pas beau. C'est génial le créole. Mais voilà. Vous comprenez, on pourrait tous comprendre le créole. Son papa s'appelle Gilbert Pougnat. C'est un musicien-chanteur réunionnais qui a créé le groupe Ziskakan. Ziskakan. Jusqu'à quand ? Mais voilà. Mais je suis bilingue, moi, créole. Bilingue créole. Je suis antillais, je vous le rappelle. Sa maman est conteuse. Elle raconte les histoires de Tijan. Tijan. Petit Jean. Voilà. Ah, oui, oui, oui. C'est un esprit malin qui fait que des bêtises. Petite Maya ne voulait, je montrais Alex. Petite Maya ne voulait pas de tout cela, du monde de ses parents. Refuser la loi du clan, ça vous donne un petit air d'Antigone, Hélène Roussel, et ça peut augurer d'une belle personnalité. Seulement voilà, à 20 ans et des brouettes, elle quitte le territoire natal, l'île de la Réunion, ce refuge paradisiaque au milieu de l'océan Indien, cette île vierge où des marins français au XVIe siècle abandonnèrent des esclaves récalcitrants pour les y laisser mourir, mais seulement ils les découvrirent quelques années plus tard, bien gras et ont prospéré sur cette île généreuse qu'ils décidèrent aussitôt d'annexer. Ça, c'est l'histoire de la Réunion. Donc, Maya quitte son paradis pour faire ses études à Montpellier. Et bim! Qu'est-ce qui se passe ? Aïe ! La déterritorialisation, bien sûr. Ah là là là. Encore Deleuze qui frappe. Ah, écoutez, bah oui. La beauté de ce concept, Arnaud. Chaque fois qu'il y a un nouvel invité, je lui ressors parce que j'aime tellement ce concept. Ce concept, il l'a inventé avec Félix Guattari. Et comme il y a un nouvel invité tous les jours, nous, on le connaît par cœur, en fait. Un territoire ne vaut que s'il est quitté. Dans la langue anglaise, existe le mot « outlandish ». On le trouve dans Melville, l'auteur de Moby Dick. Outland, en dehors du territoire, comme outlaw, en dehors de la loi. La langue anglaise exprime parfois beaucoup avec peu. En français, le mot n'existe pas, alors Deleuze invente déterritorialiser. Un territoire n'existe que si on en est loin. Ça produit quoi ? De la poésie. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et qui est revenu plein d'usages et raisons. En fait, c'est Joaquin du Bellay qui exprime le blues de son Anjou natal alors qu'il est exilé à Rome. Ça produit de la musique, évidemment, le blues. Je suis loin de mon pays. Homesick, disent les Anglais, alors je chante pour exprimer ma peine. Et ça provoque des vocations. Maya Kamati, qui ne voulait pas marcher sur les pas de ses parents, se retrouve dans un groupe de Montpellier à chanter du Maloya. Cette musique qui était partout autour d'elle pendant son enfance et qu'elle voulait fuir pour inspirer un autre air lui manque soudain, furieusement, si bien qu'elle va s'y consacrer. Corps et âme, elle devient la première femme lauréate du prix des musiques de l'océan Indien. Et si le Maloya, musique magique chargée, avait le pouvoir de résoudre nos problèmes ? Si la créolité, c'était la solution ? Le monde devient créole, dit Édouard Glissant, l'un des plus grands écrivains contemporains de l'universel. La créolité, ça n'est pas la dilution des cultures dans un melting pot sans goût, mais au contraire l'affirmation du mélange comme une identité à part entière. Un cuisinier qui sait y faire mêle savamment ses épices et réussit son coup quand on arrive à identifier toutes les strates de son plat, quand les saveurs sont comme des harmoniques qui vont résonner avec une fondamentale qui donne le ton. Ah ça y est, j'ai décroché. Vous postulez pour Top Chef, il top suit. Mais voilà, Top Chef. Mais c'est, en fait la cuisine, le mélange, c'est voilà. Ne laissons pas les identitaires de tout poil nous contaminer, ne laissons pas la peste Christ se répandre à nouveau, mélangeons-nous les uns les autres. Mélène, venez, viens, on se mélange. Viens, viens. Arnaud, dégage. Oui. Mélène, viens. Alors, apprenons les mots de ceux qui viennent d'ailleurs pour lutter contre l'apartheid qui règne dans nos cœurs. Bergson disait, pour assimiler un peuple, apprenons sa langue. Une musicienne israélienne qui joue avec des musiciens palestiniens vient de dire, quand on chante les chansons des autres, on ne peut plus les bombarder. En route vers la créolité, camarade, et le chant des esprits malins. Fais chavir mon corps, ravine bord en bord. Peine à la lumière, pour peine à tes alors, des odeurs. Il y a des musiques qui vous guérissent l'âme, hein, Charline ? Ah oui, oui, oui. Hein ? Ah bah oui, tellement que ça guérit tellement l'âme que Guillaume Meurice était en train de nous reparler de Chirac pendant le la chanson, alors qu'il voulait pas en parler avant. Voilà, j'ai dénoncé. Je te jure. Alors, Maya Kamati sera en concert le samedi 31 janvier à l'Alhambra, le 7 mars à Manille et à Meaux. Et surtout, elle sera dans Partons en live demain soir. Cette excellente émission. C'est pas vrai. Sur France c'est pas vrai. Bah voilà, l'occasion. Celle du mec qui fait The Voice, là, je sais plus son nom. Ta gueule. Voilà. Alors, surveillez votre langage. Hein. Nous sommes sur France Inter. Monsieur Charlie, j'ai remarqué qu'avec Manoukian, j'étais Antigone, avec Vizorek, j'étais Mamie Nova. Ah, voilà. Voilà. Vous savez vers qui va mon cœur. C'est un très bon résumé. Et nous sommes avec Arnaud de sa mère. Oui. Oui, voilà. Alors, je vous préviens, bossez parce qu'on va parler de Sarkozy bientôt. Hein. Ça va être quelque chose. Autant Chirac, je suis largué, autant Sarko. Ouais. Mais avant Guillaume Meurice. Attention, c'est le moment de votre reportage. Et alors, attention, parce qu'il y a des professionnels dans ce studio. Eh oui, on a une équipe de BFM TV qui nous fait l'honneur de venir pour filmer l'émission. Comme quoi, ils ne sont pas rancuniers, ces gens-là. Ah oui, oui, ah, parce que vous les démontez grave dans vos... Dans non, ils sont quand même venus nous filmer. Ce sont des hommages. Ah, mais alors, monsieur, vous ne filmez pas que des hangars, alors. Non. Voilà, et donc Guillaume Meurice, c'est à vous. Attention, sous la haute autorité de BFM, faites attention. Alors, Charline Van Hoenacker, la France a peur. La menace terroriste plane. Et hier, un enfant de 8 ans s'est retrouvé au commissariat de Nice, accusé d'apologie d'actes de terrorisme, parce qu'il aurait dit, je cite, « Je ne suis pas Charlie, je suis avec les terroristes ». Depuis, c'est la panique. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées, sauf ceux qui nous emmerdent aujourd'hui. Il y a des duplex depuis l'école maternelle Chantal Goya de Garges-lès-Gonesse, des interviews exclusives de Bob l'Éponge et de la Fée Clochette. Ils filment des toits de hangars et de crèches pendant des heures en disant qu'ils ne savent rien, mais restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Bref, ils sont sur le coup, les gars. cas. Et je suis désolé, il n'est pas question que nous, à France Inter, on passe pour des glands. Ouais. Ok ? Donc moi aussi, j'ai chassé le scoop, j'ai appelé des magasins de jouets. Est-ce que vous auriez vu éventuellement un gamin qui serait énervé contre une peluche qui aurait une barbe et qui l'aurait pris pour le prophète Mahomet ? Non, mais je sais pas, mais je pense que vous êtes pas du tout... Enfin, je sais pas, c'est un peu délicat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas, non... Non, non, mais dites-moi la vérité, si oui, parce que vous avez l'air d'hésiter, ça se trouve, oui, mais vous n'osez pas me le dire. Non, non, non, mais j'hésite en fait, parce que je me demande quel est votre but, quoi, en fait. C'est ça qui me paraît un peu suspect, en fait. Si vous voulez, c'est plus vous qui me paraissez suspect, de par vos questions. Ah bah voilà. Voilà, on cherche à protéger la France et on se fait accuser direct, ça commence bien. Il me paraissait un tout petit peu louche, celui-là. J'ai donc poursuivi mon enquête exclusive. France Inter, est-ce qu'il vendait des armes dans sa boutique ? Bah, on vend des épées, ah, des couteaux d'Indien, des haches, on a on vend des choses comme ça, on vend quelques pistolets, mais c'est pas vraiment notre fond de commerce. Est-ce qu'il y aurait un gamin éventuellement une fois qui aurait acheté un stock anormal d'armes factices ? Non, pas du tout. Ouais, c'est louche, mais pas de preuves tangibles, mais restez avec nous. Ici, pas de pub, vous êtes sur France Inter, j'ai contacté un autre magasin de jouets au nom très très très suspect. Vous vous appelez Pain d'Épices, c'est ça ? Exactement. Épices, c'est quand même un peu oriental, c'est quand même susceptible d'attirer, je pense, un futur djihadiste. Non, non, là vous tirez un peu les... Là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, Pain d'Épices, c'est plutôt... Ça évoque plutôt justement les souvenirs d'enfance. Là, ouais. Je pense que vous vous trompez un petit peu de cible. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, très bien. Pas tiré par la barbe. Je vous le dis. Non, mais je vous... Voilà. Faites attention à ce que vous dites, parce que là, c'est justement, vous alimentez un petit peu, après les psychoses, un petit peu de tout le monde. Et puis, voilà, faut pas non plus exagérer. Ouais. Toujours cette volonté, vous avez vu, de minimiser la menace. Bon, j'avais besoin d'une autorité scientifique, d'un pédopsychiatre de renom. Il me fallait un scoop. J'ai donc appelé Marcel Ruffo. Bon alors, Marcel Ruffo dans les médias, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Dès qu'il y a une caméra qui tourne, regardez devant, c'est soit Cadmerade, soit Marcel Ruffo, soit un hangar, hein, si vous êtes sur BFM TV, c'est pas la question. Marcel, n'est-ce pas qu'il est normal d'embarquer des gamins de 8 ans au commissariat ? On est dans un état de droit et l'école participe de la loi comme tous les autres territoires de la République. C'est-à-dire qu'à 8 ans, c'est légitime qu'un gamin se retrouve devant un policier alors qu'il ne comprend même pas le mot terrorisme. Ah, il ne comprend pas le mot terrorisme, mais il comprend le mot terrorisme. Ah, il ne comprend pas, mais il comprend le gosse. C'est Marcel qui le dit, donc la France est menacée. Des hordes de gosses de 8 ans vont s'attaquer à notre belle République. Restez avec nous, vous êtes sur France Inter. Mais alors, Marcel, pourquoi tant de haine ? Peut-être que le gamin est tombé sur un livre d'Éric Zemmour et qu'il s'est radicalisé suite à la lecture de quelques passages. Ah ben ça, il y a des livres dangereux, des images dangereuses, des missions dangereuses. J'espère que la vôtre n'est pas dangereuse et qu'on respecte surtout l'idée que lorsqu'on confie ses enfants à l'école de la République, on fait délégation d'autorité. Et voilà, et donc ça se finit au poste. Si jamais l'école décide que votre gamin, c'est de la graine de djihadiste, c'est normal. Bravo Marcel. Allons plus loin dans l'enquête exclusive. Vous allez comprendre pourquoi cette affaire me touche personnellement. Moi, mon neveu, il a 8 ans, et quand je mets une chanson de Patrick Bruel, il pleure. Est-ce qu'il est nécessairement antisémite ? Non, il éprouve une émotion. Vous avez un chouette neveu, quoi. Je trouve que les garçons qui sont émus et qui sont émus par des chansons, par des dessins, par... Ah non, mais là, il pleure pas d'émotion, il hurle en fait. Il a pas l'air d'apprécier. Peut-être qu'il a juste bon goût en matière de musique. Alors pourquoi vous êtes assez sadique pour lui passer sans doute du Patrick Bruel ? Faites lui voir Patrick Bruel au poker, comme ça, il jouera au poker, il sera plus tranquille. Donc arrêtez-vous. Ah, c'est mieux de faire jouer son enfant au poker ? Il y a des transgressions nécessaires. Il y a des frustrations nécessaires et des transgressions nécessaires. Voilà un bon conseil de pédopsychiatre. Faites jouer vos enfants au poker, faites-les boire du whisky et fumer du crack. Vive la transgression, vive le scoop. Mais allons toujours plus loin dans l'investigation. Vous êtes toujours sur France Inter. Appelons ce criminel en puissance qui est Raphaël, mon neveu de 8 ans. Raphaël, est-ce que tu es Charlie ? Non, je m'appelle Raphaël. D'accord, mais est-ce que tu es Charlie ? Non. Ah, voilà ! Il n'est pas Charlie ! Le piège se referme sur lui. Poursuivons, toujours en exclusivité sur France Inter. Raphaël, est-ce que tu es en train de préparer un attentat ? Arrête de dire Des bêtises, tonton Guitou. Ah ! Arrête de dire des bêtises, tonton Guitou, sale gosse. Il veut m'empêcher de faire mon métier et en plus, il me file un surnom ridicule. Putain, j'appelle le GIGN. En attendant, je file. Je vais concurrencer BFM TV sur son autre terrain de prédilection, la neige qui tombe en hiver. A plus tard, toujours en exclusivité sur France Inter. Merci Guillaume Meurice. En tout cas, le caméraman de BFM TV n'a pas trop ri parce qu'il n'a pas bougé, n'a pas tremblé avec sa caméra. Je vois la journaliste de l'autre côté qui a beaucoup ri. Donc voilà, BFM. Mais très beau joueur. Non, elle fait un AVC. Hein, je crois. Bon, allez, confraternellement. Hein, genre, quand même. Allez, 17h42 sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud de sa mère qui est. Vous n'êtes pas consterné. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas consterné, tout va bien. Non, je constate qu'en tout cas, dans les magasins de jouets, les langues ont du mal à se délier quand même. Arnaud de sa mère qu'on peut retrouver au théâtre du Splendide jusqu'au 25 avril. Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Et vous participerez aussi à la nuit de la déprime. Organisé par Raphaël Mesrahi, c'est le 9 février aux Folies Bergères. On reçoit vendredi, je crois, Raphaël Mesrahi. Ah bon ? Oui, on le reçoit bientôt, en tout cas. Il faut que je regarde le panneau. C'est vous qui faites la programmation. Allez, sujet 2. Arnaud de sa mère, en tout cas, concentration. Oui. Hein. Entre deux conférences internationales, entre New York et Singapour, Nicolas Sarkozy est en visite à Tourcoing. Mais qui c'est qui vient vous voir, hein ? Qu'est-ce que je fais là, moi, ici ? Parce que où qui sont les leaders de gauche, là ? Moi, je prends une longue vue, je les vois pas. Hein, qui c'est qui est venu vous voir, vous, Barreau ? C'est vous, c'est vraiment, enfin ça... Non mais attends, et c'est qu'un début, et puis il faudrait quand même savoir, parce que quand on vient pas, on dit les hommes politiques s'en foutent. Et puis quand on vient, on dit, ah bah ils viennent chercher des voix pour les élections. Et alors, il est où le problème ? De la conquête, Nicolas Sarkozy qui consacre sa première visite de terrain à Tourcoing. Alors, ça vous fait sourire, Arnaud de sa mère, vous en avez rien à foutre. Le mot Tourcoing me fait sourire. C'est un début. Il y a le mot Tourcoing, il y a Baldaquin, il y a Myosotis. Baldaquin qu'on retrouve dans le spectacle. Il a compris le système de promo. Donc, il fallait dévier le thème. Nicolas Sarkozy qui commence, donc c'est sa première visite en tant que président de l'UMP, et il commence par Tourcoing. Et alors, c'est quand même l'emblème du bling-bling. Il n'a pas pu amarrer son yacht à Tourcoing, évidemment, Nicolas Sarkozy. Absolument. J'ai d'ailleurs une très bonne blague là-dessus pour rebondir. Malheureusement, je l'ai noté sur un post-it que j'ai laissé dans la poche arrière de mon jean qui est à la machine à laver. Attendez, on va mettre les choses au point. Vous venez de dire, moi j'ai une vraie question. Non, c'est pas ce que vous voulez. Très bien, je vous laisse. Peut-être elle est vraiment fâchée. Non, je... Jamais, si on se rendait compte qu'elle n'était pas indispensable. Jamais je vous allumais un journal télé. Il y aurait pas de bonne réponse. Hein. Non, mais c'est-à-dire quand vous le voyez, vous zappez, vous dites ça va m'ennuyer ça. Non, mais c'est je suis pas fier de le dire, mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, vous votez par exemple, sans dire pour qui ou pourquoi. Alors je vote, mais jamais, toujours blanc. J'ai toujours voté blanc. D'accord, bah, ouais. Du coup, ouais. Non, vraiment, je suis pas fier de le dire. Hein. Non, mais c'est super de le dire. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas, je n'arrive pas à me sentir concerné. Par tout ça. Et alors, même si le meeting de Sarkozy a lieu au théâtre Raymond Devos ? Ah, ça, c'est une vraie question ! Voilà. Eh bien, vous voyez, j'ai fermé les yeux, là, à cette phrase, et je n'ai rien ressenti. Il y a Nicolas Sarkozy et Raymond Devos dans la même phrase. Oui. Non, mais Nicolas Sarkozy qui va faire une immersion dans Tourcoing, et on s'imagine quand même, enfin, le connaissant et ayant lu les bonnes feuilles de tous les bouquins qui sont allés en immersion chez Nicolas Sarkozy, on se dit, il doit se dire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre dans ce trou, quand même ? Le Fouquet's de Tourcoing, je serais quand même curieux de voir à quoi il ressemble. Mais voilà. Bon, on va recevoir des mails, alors là, voilà. Oui, Nous, on est du Nord, c'est pas nous qui avons critiqué. Charline, vous pouvez préciser où exactement dans Tourcoing il est allé ? Apparemment, il reste 2 jours. Alors, il serre des mains, il va dans les cafés, il va au théâtre de Raymond Devos faire un meeting. Alors, évidemment, il est chez Gérald Darmanin. Merci de vous intéresser, André. On va rester à deux. Je vous explique. Il va chez Gérald Darmanin, qui était son porte-parole de campagne. D'accord. Voyez, maire de Tourcoing. Donc, il ne prend pas tellement de risques en y allant. Il prêche des convaincus, un petit peu, si vous voulez. Voyez. En même temps, il va sur les terres plus ou moins sinistrées du Nord se reconnecter avec un électorat populaire, peut-être. Un truc marrant, mais ça va faire marrer Hélène Roussel, j'espère. Gérald Darmanin. C'est le porte-parole de campagne de Nicolas Sarkozy. Si vous avez une question, Arnaud de sa mère, vous me dites. Hein, je peux vous expliquer. Non, j'ai des précisions à apporter. Gérald Darmanin. D'accord. Donc, porte-parole de la campagne de Sarkozy. Et en même temps, en fait, il soutient Xavier Bertrand pour la primaire UMP. Il mise sur 2 chevaux en même temps. C'est malin, c'est vraiment malin. Non, je voulais juste quand même dire, parce qu'on rigole beaucoup, que c'est quand même une ville socialiste depuis 89, Tourcoing, et que Nicolas Sarkozy vient y parler santé et économie. Vous voyez, ah oui, voilà. En très peu de temps, vous êtes intéressé au sujet. Et ça, c'est beau. Alors oui, maintenant, c'est Darmanin, c'est UMP maintenant. Hein, voilà, Darmanin, ah oui, et c'est ce que je voulais dire. C'est que Darmanin. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette feuille qu'on a mis sous les yeux ? J'ai essayé de bluffer tout le monde. Voilà. Vous tendez des pièges, voilà, aux invités. Quelqu'un veut conclure éventuellement sur ce sujet ? Juste pour relier les choses, vous qui allez en tournée, oui, est-ce que les gens. Parce qu'ils, ouais, quittent Paris, la Sarkozy, ils connaissent très mal. Oui. Donc est-ce que d'aller là-bas, ben, ça change la donne ? D'aller, oh, voir des gens chez eux ? Oui, absolument. Les gens, voilà. Et la réciproque est vraie également. Merci. Voilà. Merci pour cette, j'aurais essayé. J'ai mal au ventre, un pour une bouée. Une bouée. Mais c'est le moment. Alors justement, Arnaud de sa mère, comme, oui, vous avez raté quelques infos, comme vous avez raté quelques infos, c'est le moment. Vous voulez pas qu'on fasse une émission politique ? Non, attendez, alors, on va se calmer un peu parce que cet homme fait de l'absurde. Oui, mais bien, après, c'est réussi. Après, on reçoit, voilà, après, on reçoit du courrier de gens qui disent c'est la cacophonie dans cette émission. C'est, et moi, ça fait deux jours que j'arrive pas à vous tenir. Pardon. Donc pardon, c'est bien ça. Maintenant, vous vous calmez ou je sors. Okay, pardon, très bien. Hélène Roussel, c'est à vous. Arnaud de sa mère. Oui, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Il a raté des informations. Vous avez pour mission, c'est le service public, de l'informer. Bordel de merde. Et on reçoit beaucoup de mails pour dire que vous êtes vulgaire. Hélène Roussel. Je craque, là, je craque. Vous avez le droit de sortir, hein, Arnaud de sa mère, ça vous, ouais, intéresse, non, pas. Ah, non, parce, non, que, non, je vais vous proposer mes chutes. Bon, c'est pas sale, hein, je vous préviens tout de suite. Les chutes, c'est un mot qu'emploient les reporters quand ils coupent au montage. C'est tout ce qui coupe au montage. Bah, nous aussi, les présentateurs, on coupe, on sélectionne parce qu'il faut pas croire, mais on lit beaucoup. Et parfois, on tombe sur des pépites qu'on peut pas caser comme ça dans nos journaux, alors je vous en ai mis quelques-unes au chaud. Comme cette église de Puteau, charmante petite bourgade des Hauts-de-Seine que vous connaissez bien, je crois, Charline. Oui, alors parce que j'ai fait des reportages, hein, pas parce que j'y habite, hein, je tiens à préciser. Voilà, Puteau et sa vieille église du XVIe siècle, ses monuments historiques, jusqu'ici tout va bien, jusqu'à ce que l'église devienne d'un coup très punk. Je crois que c'est un mot qu'on aime bien ici à France Inter. Jugez un peu, le chœur repeint en rouge, vermillon, statue en jaune beige et même le bénitier en violet. Mais quelle mouche a piqué la mairie UMP de Puteau qui a relooké l'église comme ça en deux coups de cuillère à peau pendant les vacances de Noël. Un problème d'infiltration d'eau, il fallait agir vite, dit-elle, ok, pourquoi pas. Sauf que sur un monument classé, ben, y a quelques règles à respecter. Ben oui, du coup, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, un peu d'explication, ça vous fait pas de mal, et c'est pas André qui me contredira. La DRAC donc va mener l'enquête, c'est du sérieux, on ne badine pas avec l'histoire, il pourrait même y avoir des poursuites. Mais au fait, qu'a dit l'Église dans tout ça ? Ben, elle est poliment gênée, face au choix des couleurs, c'est pas vraiment raccord, dit le vicaire. Le curé de Puteau, lui, encore mieux, il a découvert son église repeinte sans jamais avoir été prévenu. Il a été, nous dit-on, un peu étonné. Bon, fin de l'épisode, figurez-vous pas plus tard qu'hier soir, communiqué de la mairie de Puteau, reprise par l'AFP, Notre-Dame de Pitié, c'est son nom, va retrouver ses couleurs d'origine. Rénovation en concertation, ouf, cette fois avec le conservateur du patrimoine. Pour les explications, en revanche, bah, ça sera circulé, il n'y a rien à voir. Autre sujet passé à la trappe. Attends, pourtant, mais la chute, c'est quoi ? Bah, ça va être repeint. Ça va être repeint. Ils, ouais, vont reprendre, ils vont remettre les couleurs. Ah oui, il faut suivre un peu, Arnaud. Donc, ouais, Davido n'est pas du tout mise en examen. Pas du tout, vous avez, d'accord, bien suivi, c'est bien. Ah, je ne pensais pas que vous écoutiez, en fait. D'accord. Ah, si, il est d'une vigilance. Il vous regarde, il se dit là, paf. J'interviens. Donc, autre sujet passé à la trappe, et pourtant, pour une fois que c'est bien dit noir sur blanc, l'armée nigériane n'est pas très claire face à Boko Haram. Amnesty International à la preuve, rapport, témoignage aussi à l'appui, que l'armée a volontairement fermé les yeux devant les massacres de Baga début janvier, sans doute la pire attaque des milices islamistes dans le pays. L'armée, selon l'ONG, avait été prévenue, mais elle n'a absolument rien fait. Les militaires, eux, ont déjà répondu. Amnesty International, pas fiable. Arnaud, une vanne sur Boko Haram. J'en ferai deux sur la prochaine. Bon, sinon, on a assez parlé de cette petite phrase de Christine Lagarde sur le roi Abdallah, ce, ah oui, grand défenseur des, mm-hmm, femmes. Mm-hmm. Bah, en grande avocate de la... Oui, discrète. Discret. Ouais. Discret. En grande avocate de l'Arabie Saoudite, la patronne du FMI sera sans doute très contente d'apprendre qu'elle a une alliée, l'ancienne ministre UMP des Affaires étrangères, ah, Michelle Alliot-Marie. Pas à l'abri d'une boulette, hein, maman. Ah, ouais. Récemment, maman, elle a déposé un amendement auprès du Parlement européen. Les députés qui planchent en ce moment sur les droits de l'homme, là où il y a la peine de mort. Bon, voilà donc que Michelle Alliot-Marie demande à ce qu'on retire de la liste toute référence à l'Arabie Saoudite et puis tient aussi au Koweït. 79 exécutions en 2013 en Arabie Saoudite, le Koweït de son côté qui rétablit la peine de mort. Bon, alors quoi ? La diplomatie européenne demande dans les rapports qu'on ne cite pas les pays, mais les régions. En voilà une belle botte en touche. Quand on sait que la règle européenne ne vaut pas pour les pays en dehors de l'Union, quand on sait aussi et surtout que Michelle Alliot-Marie préside au Parlement européen le groupe d'amitié avec les pays du Golfe. Voilà, voilà. Vous avez, oui, raison. Je... Charline, ça va toujours mieux en le disant. Mais ça, pourquoi c'est une question intervenir, pardon, hein, allez-y, pardon. Non, j'avais quelque chose à dire sur le roi Abdallah. Ah. Parce qu'il se trouve que mon meilleur pote humoriste Ben, de, oui, son vrai nom Cédric Ben Abdallah, oui, joue également au Splendide les mardis à 21h30. est très connu sur cette antenne. Et je tenais à le dire. Bon, allez, on va se consoler, hein, Guillaume. Parce qu'heureusement, il y a le Qatar, les pétrodollars qui font toujours du PSG le cinquième club le plus riche du monde. C'est tellement plus agréable qu'un rapport sur les droits de l'homme. Enfin, vous voulez du foot, vous voulez du fric ? Eh bien, on va terminer avec ça. Il y a eu cette semaine une vente aux enchères pour la fondation PSG, de l'argent qui va aux assos. Mais au fait, qui a acheté quoi ? Arnaud Lagardère s'est payé le droit de siffler le coup d'envoi d'un match au parc pour 27 000 euros. Ok, sinon le patron de Beansport, tiens, encore un Qatari, qui s'offre le maillot de Zlatan pour 20 000 euros. Propre ou sale, le maillot ? Ça, personne n'en sait pas. Hein. Moi, j'imagine déjà combien peut coûter une goutte de sueur d'Ibra. Dans les autres lots, quelque chose qui va vous plaire, Alex, un pull porté par Beyoncé. 16 000 euros quand même. Et puis alors, last but not least, tenez-vous bien, un échantillon de la pelouse du Parc des Princes. Vous avez bien entendu, un petit bout d'herbe pour 22 000 euros. Et voilà. On se dit parfois que oui, ils doivent sacrément planer nos puissants. Arnaud, vous qui êtes supporter de Bordeaux, si je ne me trompe, si les Qataris veulent racheter les Girondins, on est content ou... Ah oui, on est très content. D'ailleurs, la rumeur dit que ça fait quelques mois que les Chinois sont intéressés par le rachat de Bordeaux. Je serais content, bien sûr. Ah, Manuel Valls, c'est en Chine, c'est peut-être ça qu'il est en train de... Merci Hélène Roussel. Mais merci. Mais de rien. Bah, écoutez, on a donné un peu de sens aux choses. Je me sens apaisée. On ne s'est pas parlé les uns sur les autres. On s'est écoutés. C'était beau. C'est de l'émotion. Merci d'être là. Merci. Chers auditeurs, vous avez aussi pu écouter une chronique de A à Z jusqu'au bout. Et ça fait du bien. C'est pas comme mes chroniques à moi qui sont interrompues sans arrêt. Oui, parce que vous êtes sur France Inter avec Arnaud de Saber. Et on va aborder le troisième sujet. Troisième sujet, la crédibilité des journalistes est en hausse. Et cette émission n'y est sans doute pas pour rien. Vous l'aurez compris. Il y a des journalistes dans cette émission ? Oui. Où sont-ils ? Ouais, sous la table, c'est eux qui pédalent. Bon, alors, crédibilité des journalistes en hausse. Il y a un petit peu les attentats aussi, évidemment. C'est post-attentat qui a été réalisé, ce sondage et ce baromètre de La Croix, qui indique aussi, alors là, incroyable, que 13% des Français ne voient pas du tout de quoi il s'agit quand on leur parle de l'affaire Treherweiler. 13%, rendez-vous compte. C'est dans cet isolat forestier qu'est née leur différence. Le groupe que nous allons suivre, appelons-le le groupe de la rivière, évolue près d'un des nombreux cours d'eau qui sillonnent la province de l'Équateur. À travers lui, c'est l'histoire du grand singe le plus proche de l'homme que nous allons raconter. 13% n'ont jamais entendu parler de l'affaire Treherweiler et 16% n'ont jamais entendu parler de l'affaire Julie Gayet. C'est un peu des fans d'Arnaud de sa mère. Est-ce que vous faites partie... Vous l'attendiez. Est-ce que vous faites partie de cette frange de la population qui semble être dans un désert médiatique ? Quand même, l'affaire Treherweiler ou l'affaire Gayet, vous savez quand même, Arnaud. Non, mais j'apporte une petite correction. Je suis au courant de l'actualité, c'est juste que je n'arrive pas à l'analyser. Je n'arrive pas à en rire, j'arrive pas à me faire une opinion intéressante, intelligente. Il n'y a pas des hommes politiques. J'arrive pas à la traiter. L'information me vient, je ne suis pas hermétique, mais je ne ressens rien. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui vous font... une catégorie qui vous fait rire ou sourire et que vous trouvez ridicule, et d'autres qui vous font réfléchir, ou bien tous sont dans le même panier ? Tous sont dans le même panier, et c'est bien pour ça que je ne fais pas d'humour sur la politique et que je fais de l'humour absurde, c'est parce que, voilà, encore une fois, ceux dont on dit qu'ils sont drôles et risibles, etc., ben moi, je ne vois pas où est le problème. Et c'est pas incompatible, parce que François Rollin est à la matinale, et lui est très très fort dans l'absurde, et en même temps, il avait fait une excellente chronique sur le livre de Valérie Treherweiler, en tirant un fil qui part de l'actu, et puis qui finissait dans l'absurde. Oui, mais parce que la plupart des humoristes, on monte sur scène pour délivrer un message, pour dire quelque chose, pour apporter une vision qui va faire avancer les choses. Je synthétise un petit peu, mais l'humoriste, c'est un petit peu ça. Or, moi, je ne me sens pas du tout dans cette catégorie-là. Et encore une fois, c'est pour ça que ma vie, mon œuvre, c'est de l'humour absurde et de faire parler des patates. On en a besoin, Arnaud Samer, évidemment. Mais c'est formidable. Et ça fait une bulle d'oxygène, et je vous conseille d'aller justement à Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels, donc au Théâtre du Splendide jusqu'au 25 avril. Hélène Roussel. Moi, j'ai une remarque sur les 13% de Français qui n'ont pas retenu l'affaire Treherweiler. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est rassurant. Mais non, c'est-à-dire qu'ils sont pas au courant du tout à quoi ça fait référence. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'information ou qu'ils se ferment à toute information. C'est-à-dire qu'ils ont loupé beaucoup d'autres trucs. C'est pas qu'ils considèrent que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste vraiment que... D'accord. Voilà. Ils sont vraiment passés au travers des... Non, d'accord. Non, c'est plus clair. Okay. Voilà. En résumé, la confiance après les attentats, la confiance est accrue envers les élites et envers la presse. Je vais refaire une main tendue vers nos amis de BFM parce qu'ils ont fait une grosse audience pendant les attentats et donc ils doivent aussi être une raison pour laquelle les gens... Ils ont appelé directement les mecs. Et oui, mais donc c'est crédible. Allez, je rappelle aussi que nous avons un répondeur au 01 56 40 69 51. Ne vous laissez pas impressionner par les blagues d'un niveau extraordinaire qui atteignent les cibles de Guillaume Meurice et d'Alex Vizorek. On écoute vos messages et dans la mesure du possible, on les diffuse. Quand vous n'avez pas picolé avant de nous les laisser. Comme aujourd'hui. Alex Vizorek, que se passe-t-il à Mais oui, Arnaud de sa mère, vous acceptez de participer à un sketch? Absolument. Eh bien voilà, le texte, vous êtes un directeur d'une grosse entreprise textile chinoise. Donc vous choisissez si vous prenez l'accent ou pas. D'accord. L'accent mandarin ou ouais, comme vous voulez. Il y a un côté Michel Leb qui peut être... Et Manuel Valls, alias Guillaume Meurice, est en visite en ce moment, là-bas en Chine. Et Charline Vanhoenacker est une piqueuse de l'usine en avant. Ah, très bien. Bonjour Monsieur Li, je suis Manuel Valls, Premier ministre de la France et j'aime l'entreprise. Mon temps à voir est merveilleux dans mon entreprise. Dites donc, c'est beau là, hein, tous ces gens qui travaillent et qui ont un salaire. Hein. Oh, bah ouais, de vous confirmer, ils travaillent. Hein. Ils m'ont l'air contents en plus, donc c'est possible. Hein. Ah ouais, t'es potable. Mon ami Pierre Gattaz me l'avait dit, mais je n'y croyais pas. T'es potable, hein, vous pouvez leur demander. Hein. Ah, ils ne parlent pas français. En TT, les piqueuses font les baskets, là, elles ont en moyenne bac plus 12. Ah, génial, génial. Donc c'est possible d'être éduqué et d'avoir un boulot mal payé et d'être content. Gattaz me l'avait dit, mais... Demandez à madame. Madame, vous êtes bien ici? Oui, j'aime l'entreprise. Monsieur Li est un très bon patron et j'aime faire des vêtements pour l'Europe. Oh, Gattaz avait raison, alors. Hein. Non, sauf pour les Grecs. Ah bon? Ah ben, pas comme ils sont plus pauvres que nous, moi je porte des t-shirts made in Greece. Oh, mais c'est génial, la Chine. Et en plus, c'est un pays de gauche. Ah ouais, ouais, en latine, t'es très d'agoth, hein. La preuve, le drapeau est rouge. Ah, oh, donc c'est possible un pays de gauche où il y a du travail? Ah, mais oui, t'es potable. Mais c'est quoi votre truc? Ah, ben il faut qu'il y ait des pays assez bêtes pour ne pas taxer nos produits à leurs frontières. Oh, mais oui, mais c'est ça, mais c'est génial, il faut trouver des pays bêtes. Et vous pensez à un pays en particulier? Non, j'aime beaucoup la France. Ah, comme moi, j'aime beaucoup l'entreprise. Merci Arnaud de sa mère pour cette magnifique interprétation. Qui est un grand improvisateur, et là, ouais. Tout de suite le personnage était tout là. On sent le travail à la Ligue d'impro, hein. Vous avez été formé là notamment Arnaud. Absolument. Mais un homme qui sait jouer un pingouin est capable de jouer un directeur d'une grosse entreprise. Il fallait pas le dire. Il faut aller voir Arnaud de sa mère en pingouin. C'est le meilleur teasing du monde. Et je peux faire la précision, la Chine exporte 2,5 fois plus que la France n'importe en Chine. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est parce que si tu écoutes Janul, tout est aussi une émission d'information. Merci Arnaud de sa mère d'être resté avec nous. Je rappelle votre spectacle, votre one man au Théâtre du Splendide jusqu'au 25 avril, et puis la nuit de la déprime, le 9 février, aux Folies Bergères. Merci André Manoukian, Hélène Roussel, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Merci à vous. Même si vous pensez que je ne pose pas des vraies questions, je vous aime quand même, je vous embrasse, j'embrasse les auditeurs, j'ai dit des gros mots, mais pardonnez-moi, j'ai parfois du mal à vous tenir, et je laisse la phrase de fin à Bernadette Chirac. Je vous entends chanter. Ce que je lui dis ne l'intéresse pas. Il a beaucoup changé, vous savez, la retraite, c'est pas bon.